je ne dors plus. Depuis que j'ai plus sommeil, je fais des shoots nicotine jusqu'au cri du réveil. J'ai le corps à la traîne en train de faire semblant. Blanc c'est blanc et mon teint sous ma grande allergène. Je ne dors plus, depuis que j'ai plus d'idées. J'ai troqué tous mes rêves pour un écran télé. Bousillé mes godasses pour ces pâtés de maison. Laissant mon édredon pour la décoration. Pour un trip solitaire. Et c'est que du bleu dans le rétroviseur. Et je guette patiemment le changement des couleurs. Je ne dors plus. Non, non, je ne dors plus. Je crois que j'ai plus sommeil.